Front frais. S'il existe donc des pensées non fonctionnelles ou dysfonctionnelles, peur de perdre le contrôle des crises, peur de ne pas être bien, vous laissez passer ces pensées non fonctionnelles, voire dysfonctionnelles, et comme elles sont venues, elles repartiront, vous les associez à un nuage noir qui ne ferait que passer dans un ciel bleu, dans des temps physiques comme psychiques, comportemental, cognitif. Pour sortir donc de la séance très progressivement, vous allez donc serrer les mains 2-3 fois, faire ensuite des flexions des avant-bras sur les bras, respirer amplement, 2-3 temps et en dernier lieu, ouverture des yeux.